Les fanfans à Johnny. Et pas les petits éléphants, les fanfans. Et F-A-L-S. Alors, pour les fantasmes, fond... les fanfans. Un fanfan, le chant. Je vais chanter. Ah, il y en a un chant dans la bouche. Et ben, oh, je suis pas un vache ou un fils. Bon. Les gens m'appellent les dalles des jeunes. Il en est même qui m'envie. Je commence quoi? De Fanfan? Fanfan à Philippe? Ou Fanfan fantastique? Non, comment c'est? M'appelle l'idole des jeunes. Alors là, c'est sur la voix grave. Hein. Il y en a même qui m'envie, mais ils ne savent pas dans la vie. Faut bien que ça, je suis un petit peu de champagne, mais attention, hein, ça commence à étouffer. Alors là, là, on voit naturel, hein, voix naturelle. Pour la voix buccale, la voix naturelle. Bon, ne t'occupe pas, les sujets, hein, c'est pas nous qui payons, moi. Fous-moi la paix, bon. C'était pas jusqu'à les gens. M'appelle l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. Mais. Attention, il y a le flambeau qui va descendre. Non, mais c'est pas grave, c'était qu'une montée. Il faut savoir, c'était que la voisine du tout, la musique. On monte toujours. Un décrevier, c'est un imbécile, même Johnny Hallyday. C'est des fous. Drogués.